Merci. Merci. Merci. On va te demander ton option. Je suis fédéraliste en pure perte, étant donné que si le fédéralisme est le gouvernement le plus étendu de par le monde, c'est le moins connu en Catalogne. Curieusement. Mais bon, je serai fédéraliste malgré tout. D'autres questions, que ce soit sur le nord, sur le sud ou sur le rapport entre les deux ou... Oui, j'ai une. Quelle a été, il y a eu énormément d'Espagnols qui sont venus en France, donc en Catalogne, en 1939, quand il y a eu la chute de la République, carrément. Quoi. Et il y a quand même ces Espagnols qui se sont implantés dans le sud de la France, même plus généralement que la Catalogne, ont quand même eu une influence importante, y compris après qu'ils ont participé à la résistance et tout. Oui. Donc, dans les apports exogènes, vous avez parlé de... Oui, c'est vrai. Qui sont arrivés récemment, les Belges... Oui, je n'ai pas parlé de cela. C'est vrai. Ça remonte donc à l'épisode de la guerre civile en 1939. C'est vrai que beaucoup de réfugiés et d'exilés se sont installés en Catalogne du Nord, puisque pour eux, c'était quand même la Catalogne. Se sont installés dans le Roussillon et sont restés là. D'autres ont disséminé un peu partout. Moi, je suis fils de réfugiés républicains espagnols. J'ai grandi à Toulouse. Toulouse aussi était une de ces villes qui recevait beaucoup tout le sud de la France. Toulouse a d'ailleurs été libérée en partie par les guerrilleros espagnols qui étaient dans la résistance et qui avaient de l'expérience. Ils avaient lutté 3 ans pendant pendant la guerre civile, et ils ont lutté pendant 4 ans pendant la résistance. Et donc, à un moment donné, ils ont essayé de faire l'invasion du Val d'Aran. Ça a été une aventure qui, malheureusement, a échoué dans le Val d'Aran. Vous savez. Pardon. Oui, ben, en liaison avec ça, c'est une question que je me suis posée. Je l'ai déjà posée à des collègues, mais qui ne m'ont pas posé de réponse. C'est pour ça que si on prend donc, la littérature historique, des gens comme Orwell, etc., bon, après, il y a le film connu aussi de Ken Loach, etc. Donc, on a une vision de Barcelone et de la Catalogne comme un pays de libertaires, un pays d'extrême gauche, si on veut, dans les années 36, 38, etc. Et donc, si on fait le saut après, donc, aux années 75 et post-Fernando Franco, on a à ce moment-là une Catalogne plutôt à la remorque de la bourgeoisie, d'une partie de centre d'autre. Donc, c'est parce qu'ils sont tous partis ou quoi? Non, non, non. Moi, je ne dirais pas ça. Comment expliquer le hiatus, là? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'en 75, il s'est passé ce que vous dites. C'est-à-dire que, ou alors j'ai donné une fausse image ou une image trop superficielle de cette époque-là. Il est vrai que pendant le Front populaire, on peut avoir une idée d'une Espagne très mobilisée, très à gauche, très républicaine, surtout anarchiste. Et il n'y avait pas que les anarchistes, il y avait aussi la force de la Troisième Internationale, c'est-à-dire du Parti communiste, et notamment du PSUC, Parti socialiste unifié de Catalogne, mais qui était marxiste et de la Troisième Internationale. Et donc, la Catalogne, c'est vrai, était à gauche à ce moment-là. Et, mais il y a même eu en 1937 un choc entre les anarchistes et les communistes. Plus les trotskistes. Et les trotskistes. Et le POUM. Et la Rambla, les Ramblas de Catalogne, que vous connaissez tous, devenaient la frontière entre la troisième, en descendant, en allant vers le port, la Troisième Internationale du Parti communiste, donc du PSUC, et Esquerra Republicana à gauche, et avec la généralité et tous les édifices nobles gothiques, c'est la Catalogne gothique. Par contre, en descendant à droite, c'est le Barrio Chino. Et là, il y avait tous les anarchistes et les trotskistes. Et là, comment dire, il y a eu un choc en mai 37 entre les deux conceptions qui étaient, faut-il faire d'abord la révolution puis la révolution et la guerre, ou la guerre seulement et la révolution après, si on peut. Donc, dans ce débat, ceux qui ont pensé, il faut d'abord gagner la guerre, ont gagné, parce que c'était... le PSUC qui avait la force politique et aussi la force de répression, la force de répression avec déjà une espèce de NKVD à la catalane. Donc, ça, c'est une chose. En 1975, c'est différent. Si à l'époque de 1936, les socialistes et les communistes et d'autres groupes de gauche se sont unis dans le PSUC, ces 4 forces qui vont s'unir pour former le PSUC, Parti Socialiste Unifié de Catalogne, c'est parce que le contexte politique de l'époque était un affrontement colossal entre le fascisme et le communisme, qu'il n'y avait pas d'autre option possible. Le socialisme n'avait rien à voir là-dedans. Et c'était un gouvernement faible. Donc il fallait un gouvernement fort, et ils l'ont trouvé. 75, je dirais même 76. En 76, se crée le Parti des Socialistes de Catalogne. On peut dire qu'à ce moment-là, le changement est considérable, c'est-à-dire que pour la première fois, non pas la Deuxième Internationale, elle n'existe plus, la Deuxième Internationale en 76, mais le socialisme démocratique apparaît en Catalogne comme quelque chose de possible et de neuf. C'est les gouvernements de Raventós et c'est les gouvernements qui vont être majoritaires au premier parlement de la transition en Catalogne. La gauche sera au pouvoir. Mais elle sera battue en 80 par Jordi Pujol, parce qu'il y aura une division entre les forces de gauche. Mais bon, ce qui veut dire quand même que quelque chose s'est passé, et la mairie de Barcelone a été pendant près de 35 ans socialiste. C'est-à-dire que les socialistes ont eu un pouvoir considérable en Catalogne pendant toute cette période. Ce n'est que très récemment, et à cause de cette histoire que je viens de vous dire sur les problèmes avec le statut et le tribunal constitutionnel de Madrid, où l'affrontement maintenant se fait entre indépendantistes et non-indépendantistes. Là, c'est Podemos, non ? Même pas, puisque maintenant, ils n'ont pas la majorité, ils ne sont que 11 députés, et pour le moment, ce n'est pas encore... C'est comme Rajoy. Il faut dire... Non, c'est différent. Non, minorité. Il faut dire que la Catalogne est un pays, et là, je rejoins ce que vous disiez, très démocratique. Si très démocratique veut dire qu'il y a beaucoup d'options politiques possibles, de l'extrême droite à l'extrême gauche, nous avons en Catalogne tout le panorama de toutes les forces que vous puissiez imaginer et vouloir. Vous pouvez choisir, c'est très démocratique. Il y a un choix considérable, le choix est démocratique. Ensuite, le reste peut-être pas. Par contre, en Espagne, ce choix n'existait pas. Il y avait deux partis hégémoniques. Et c'est ça la pensée castillane. C'est une pensée unique. C'est ou socialiste ou de droite. C'était encore les deux Espagnes qui s'affrontaient. Aujourd'hui, heureusement, il y a quatre forces. C'est déjà un peu mieux. Mais en Catalogne, nous en avons huit. Nous sommes en avance. Sinon, par rapport à... C'est une vieille histoire, je ne sais même plus qui m'avait raconté ça. Pendant le franquisme, il était interdit de parler catalan. Qui ? Les enfants, j'ai entendu dire qu'on n'avait pas le droit de parler catalan dans la rue et que les enfants qui parlaient catalan, la garde civile passait et faisait payer. Et je me souviens, on m'avait raconté qu'un grand-père voyait les enfants... revenir un peu penaud, disant on est obligé de payer l'amende, on a parlé catalan, le grand-père payait en disant continuez. J'ai l'impression que cet esprit de lutte là, oui, bien sûr. Nous on n'avait plus du tout ça à la même époque en Bretagne. Bien sûr. Si on avait eu la même répression, je crois que la répression très forte franquiste, je ne dis pas qu'il fallait une dictature en France, mais a peut-être aussi rendu le sentiment national, absolument, la fierté de la langue beaucoup plus important qu'en Bretagne où en fait on a petit à petit, par l'enseignement, par les deux guerres successives, supprimer un peu le sentiment de fierté de parler une langue, et parce qu'il y avait en face un ennemi très très fort, très puissant. Le franquisme le plus dur a interdit la langue dès les années 39, c'est vrai, jusqu'en 45-47. Puis ensuite, ils ont perdu petit à petit, ils ont perdu pied. En 47, il y a la première sardane qui est dansée sur la place de Catalogne, où les gens dansent une sardane et pleurent en même temps. C'est-à-dire que c'est une sardane importante. Et vous savez, le symbole de la sardane, c'est un peuple qui se tient les mains. Et donc, dans lequel il y a les jeunes, les vieux, tout le monde danse ensemble, les riches, les pauvres. C'est magnifique. Et donc, mais ce que vous dites de la résistance, c'est vrai que donc, la langue, dans la première étape, a été recluse dans les familles et dans les lieux privés, mais n'a jamais cessé d'exister. Elle est devenue plus forte que jamais. Cette culture va devenir de plus en plus forte. Je me souviens que mon cousin de Barcelone, qui était comme moi un fils de républicain, mais lui est resté prisonnier de l'autre côté et moi de ce côté, j'ai eu la chance de grandir en France, pas lui, et lui m'expliquait que dans les années 50-60, ce qu'il avait réussi à faire, c'est de créer des associations culturelles pour fuir le franquisme. Alors la première association, ça avait été l'espéranto, l'espérantisme. Il a créé un cercle espérantiste, il est devenu secrétaire de l'espéranto d'Espagne, Et il a pu voyager dans le monde entier, en plein franquisme. Donc, il ouvrait une fenêtre. Et la deuxième association, celle-là la plus rigolote, il a créé l'association astronomique de Sabadell. Et là, il regardait les étoiles. Et donc, il fuyait le franquisme en regardant les étoiles. Je trouvais ça formidable. Ce dernier exemple, pour moi, était magnifique. Donc, vous voyez, on réussit toujours à s'échapper du franquisme et de l'oppression. Une autre façon, c'était les blagues. Franco n'a jamais autant connu de blagues que sous le franquisme. Idem aussi en Union soviétique. Pareil, de tous les peuples, je pense que tous les peuples connaissent la satire, la critique acide. La France a été les premiers avec... Tout le monde croit que c'est une chanson très gaie et tout, et en fait ça parle d'une bombe qui saute, et ça fait « Youpala !» et tous les Espagnols, enfin les Hispanisants pensaient que c'était une chanson très gaie et tout, et en fait qui prenait le terrorisme et l'explosion de bombes partout, mais tout le monde pensait que c'était une chanson très gaie, mais comme c'était en basque et qu'on ne comprenait pas le basque... Ça, c'était du temps de Carrero Blanco, lorsque Carrero Blanco a sauté dans les airs. Oui. Vous avez un regard optimiste, je ne sais pas si ça veut dire plutôt optimiste pour les années à venir, sur la Catalogne. C'est l'impression que je vous ai donnée. Non, mais c'est une question que je vous pose. Vous m'avez demandé si je me sens optimiste. Non, est-ce que vous avez un regard au moins où il y a l'optimisme est de volonté, le pessimisme est d'humeur, disait un philosophe. Au-delà du côté fédéraliste que j'ai manifesté, il y a des indices politiques, culturels, qui montrent, au-delà de ce qu'on vit maintenant, qu'il peut y avoir une sortie, qu'il peut y avoir une réponse qui correspond aux aspirations. En tout cas, je ne sais pas quelle est la réponse, mais il doit y avoir une réponse. C'est vrai que nous posons un problème important à l'Espagne, qui est celui de la révision de la Constitution en particulier. C'est un thème ponctuel, mais il est important pour nous. Pour débloquer, pour faire en sorte que la Constitution ne soit pas un blocage de la situation. Actuellement, c'est un blocage. Nous sommes loin de la conception de Sieyès qui voulait faire une Constitution tous les ans. Parce qu'il trouvait que la Révolution allait très vite et qu'il fallait changer de Constitution au fur et à mesure que la Révolution avançait. Il avait raison. Et donc, nous sommes à l'opposé de ce mouvement perpétuel de changement. Dans la situation actuelle, nous sommes dans une situation bloquée. Il n'y a pas de doute qu'il faut débloquer cette situation. Si je suis optimiste, c'est parce que je considère que la Catalogne, même si elle se trompe sur l'indépendance, peu importe, moi je préfère qu'il se passe quelque chose qui oblige les structures de l'État espagnol à bouger profondément, et la Catalogne est en train de poser des problèmes énormes à l'Espagne, qui est celui de la séparation. Et donc, il faut que les Espagnols réagissent. Certains réagissent, et même très bien. D'autres pas. C'est-à-dire que, de ce point de vue, je peux être optimiste parce que le problème est créé maintenant. Le problème existe. Il faut y trouver une solution. Ce que je ne sais pas, c'est quelle solution et quand. Mais ça ne peut pas tarder. Il faut être attentif à ce qui va se passer dans les prochaines élections, par exemple. Mais ça ne sera qu'un pas de plus dans ce domaine. 25 ? Comment ? C'est le 25 ? Oui, c'est bientôt, je crois, hein, le 25. 25 décembre, je crois bien. Non, je confonds. 25 septembre, c'est au pays. Ça peut tomber à partir de la fin décembre. Non, c'est au Parlement basque, le 25. En Espagne. Mais quand tu parles de fédéralisme, Comment j'en ai pas parlé. Non, mais comme solution éventuelle, comment ça peut se passer simplement un État à l'échelle d'un petit État comme l'Espagne et non pas à l'échelle de l'Europe entière ? Alors, il faut être fédéraliste au niveau européen, effectivement, pour être fédéraliste au niveau espagnol. Là, il y a du boulot. Et il y a du boulot, puisque l'Europe fédérale est loin d'exister, mais je rejoins Daniel Cohn-Bendit dans ce domaine. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut en finir avec cette commission européenne qui bloque tout et qui est un faux fédéralisme des États-nations, qui bloque tout processus. Il existe un groupe de recherche, un groupe d'économistes allemands, curieusement de la CDU et du SPD, qui s'appelle le groupe Lineker, je crois, le pont, qui recherche une solution politique à l'Europe pour qu'elle puisse devenir fédérale en disant effectivement le Parlement européen qui est élu pourrait élire un gouvernement qui, lui, serait avec un chef d'État et qui pourrait commencer à implanter le fédéralisme. Autrement dit, nous sommes là dans une position opposée à la situation actuelle qui est l'Europe est aujourd'hui dirigée par la Commission européenne qui est un faux fédéralisme des États-nations dans lequel tout le pouvoir exécutif retombe, le Parlement n'ayant que le pouvoir législatif et de contrôle de l'exécutif. Et donc ça c'est contraire à toute logique puisque c'est ce Parlement qui doit élire un gouvernement et un chef de l'État. Tant que ça ne sera pas le cas, et ce que propose le groupe Glienecker, c'est bien ça. C'est il faut que le Parlement élise un gouvernement. Seulement, je ne sais pas si le SPD ou le CDU sont d'accord. Je crois. Et les électorats. Et tous les électorats. Je ne sais pas si nous sommes prêts au niveau européen pour un fédéralisme réel qui rejoindrait la fameuse Europe de Victor Hugo. Quoi. C'est un idéal toujours... Une dernière question est-ce qu'on peut revenir sur la société civile ou... ça vous plaît beaucoup ce thème. Il se trouve que je réfléchis moi-même et je coince sur cette notion qui se diffuse un peu partout et j'entends, je vous écoutez, que vous avez réfléchi et conceptualisé à votre façon sur cette notion depuis l'observation comparée de situations socio-historiques, etc. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, je m'autorise à faire des questions de philosophe. Une société civile est-elle le corrélat d'un État territorial? Et l'Europe est-elle, selon vous, un État territorial en construction? Une société civile est-elle une nation? Combien de nations dans une société civile? Et combien de nations possibles dans un État territorial? Le terme de société civile apparaît dans le premier libéralisme, dans les Lumières écossaises, il est chez Adam Ferguson dès 1767-76 chez Adam Smith, et il va disparaître. Le mot, à ma connaissance, n'existe pas en allemand jusqu'en 1950. On dit société bourgeoise, puis après, ça, on va modifier, on va utiliser société civile, et le terme de société civile est d'un usage assez récent, sans doute les 30 dernières années, et dans la tradition libérale rénovée aujourd'hui, c'est effectivement, me semble-t-il, le corrélat d'un État territorial, étant entendu que la société civile a donné mandat à l'État pour gérer la société civile dont l'État s'occupe, et puis de gérer les affaires internationales. Donc, la société civile telle que vous la concevez, est-elle le corrélat d'un État territorial? Et l'Europe est-elle cet État territorial qui est en train de s'élaborer? Et donc, une partie des raisonnements que vous avez introduits, et puis le vieux terme de nation, qu'est-ce qu'on en fait? Vous n'avez pas d'autres questions. C'est vous qui avez introduit la société civile. Oui, mais vous m'avez fait 6 ou 7 questions à la fin. Je suis démuni face à cette avalanche de questions. Je ne sais pas quoi répondre. Là, je suis pris de court, je le reconnais. Je crois que ce que j'ai dit sur le fédéralisme au niveau européen pourrait relancer, mais qu'est-ce que la nation a, puisque je viens de dire que l'État-nation était un faux fédéralisme, je ne vois pas ce que les nations pourraient apporter de plus à ce contexte d'union des peuples entre eux pour créer des structures supranationales. Et donc, je ne sais pas ce qui peut se produire dans ce cas-là. Je ne me suis pas posé le problème de cette façon-là. Moi, j'ai essayé de partir de ce qui existait dans des États précis, dans des nations, entre guillemets, précises. Mais dès votre prise de parole, vous nous avez montré une société civile en dynamique, en mouvement. Et c'est pour ça que je me suis permis de réinsister à nouveau. C'est effectivement un mouvement. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un mouvement national. Par exemple, certains de mes collègues indépendantistes de Catalogne lorsque je leur fais la critique du nationalisme, me disent « mais nous ne sommes pas nationalistes ». Alors là, ils me désarment parce que, effectivement, j'ai tendance à croire que leur conception est centrée sur la défense d'une langue, d'une histoire, d'un peuple, et que cela se résume dans le concept de nation. Or, pour eux, non, c'est une demande démocratique. C'est une demande démocratique qui va en finir avec un carcan non démocratique qui est l'État espagnol, et ils pensent retrouver dans cela le concert des peuples qui seraient à la hauteur comme eux pensent l'être, et qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister, c'est-à-dire un peuple qui se serait libéré de toutes ses entraves et toutes ses dépendances nationales, etc. Vraiment, je ne sais pas quoi répondre à votre question, et je suis navré. Je reconnais qu'il y a un problème que vous avez bien posé, et qui m'oblige à réfléchir, et j'essaierai d'y réfléchir, mais je ne connais pas de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. C'est aussi la façon comment des mouvements essayent de se penser ou de penser ce qui se passe, et commencer à utiliser des concepts. Ce n'est pas, pas une question, est-ce qu'il y a quelque chose, un substrat derrière la société civile, etc. Nous aussi, on se fait attraper par Juvenal, hein, t'inquiète pas. Non. C'est des questions philosophiques. Les questions philosophiques sont. C'est un philosophe. Ouais. C'est terrible. C'est traquenard. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y en a d'autres? On n'a pas du temps. Non? Ben, on remercie Annie Béraud. Merci. Comment on ferme? Est-ce qu'il est possible que je prenne une copie de PowerPoint pour mettre avec le registre en ligne? Oui, oui, c'est possible. Ouais. Vous allez demander. Oui, bah, je l'ai mis juste en. Je laisse faire. Bah, sinon, regarde, il est là. Le... Ça, je vais faire glisser sur ma clé. Voilà, tu auras la mienne. D'accord. Merci, je vous ai fait la journée. Je merci, on a pris plein de choses. On a plein de choses. C'est un plaisir de vous entendre. Écoute, ça va, Rex? Oui, oui. C'était pas sur. Alors, je sais pas, il n'y a pas eu de questions sur la revue. Je l'ai vu. Je vais vous donner un diplôme.